boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Résilience. La résilience, c'est le mot à la mode actuellement. Moi, je préférerais l'altruisme. Mais comment définir ce mot qui, de nos jours, a tout de l'erreur génétique grammaticale, de nos dirigeants faussement affables à tous nos concitoyens ayant leur bon sens placé tous au-dessus des lois. Je dirais bien, reviens Charles, ils sont devenus fous. Mais même le grand ne me paraît plus de taille. Et un peu plus de notre avenir. Parle-nous de nous. Il suffit pas de parle, Charles. Mais ne nous oublie pas. Ouais, ce soir, avec notre petit porte-voix, on a envie de grogner. Ça arrive, hein? Mais c'est pas la première fois, car il y a bien longtemps, la Ruda Salska évoquait dans un de leurs titres leur peu de confiance en nos élus, qui voient souvent leurs épaules plus larges qu'elles ne le sont et qui confondent charge du pouvoir et pouvoir. La Ruda leur conseillait alors de prendre des cours d'éthique, plutôt que de diction ou de sémantique. C'était en 2001, et 22 ans plus tard, regardez simplement nos élus les plus proches. No comment, ça donne le vertige. Ouais, ce soir dans Pop & Rock, on revendique face à tous ces donneurs de leçons qui, pendant 5 ans, voire plus, malgré leurs propres difficultés, se prennent pour les pères et mères d'une patrie qui, avec le CNR, avait pourtant fait au mieux pour que nous puissions vivre en harmonie. Au fait, CNR ne voudra jamais dire Conseil National de la Refondation, mais Conseil National de la Résistance. Rentrons en guerre d'indépendance. Dis-moi.

Dans Pop & Rock, on ne croit pas aux tous pourris, mais aujourd'hui, nos illusions semblent perdues, chacun faisant pour lui et lui seul. Les réseaux asociaux cultivent nos différences très stéréotypées. Je suis Charlie, je suis la France, je suis l'orphelin, pas, je suis un bredin, ouais. Mais quelle route allons-nous emprunter à présent ? Déjà à l'Antiquité, les plus grands sages, qui souvent enseignaient aux plus jeunes la science de la vie, trouvaient cette jeunesse bien légère et bien peu apte à prolonger notre monde. Aujourd'hui, perdre la foi en la jeunesse, c'est se tirer une balle dans le pied. Alors d'accord, tous ces youtubeurs, influenceurs et autres musclés du pouce sont les plus visibles. Mais croyez-moi, ce ne sont pas eux nos visionnaires. Heureusement, il y a d'autres jeunes et cons. Sur la planète France et je sors doucement de mes rêves. Je rentre dans la danse comme toujours. Il est 8h du soir, j'ai dormi tout le jour. Je me suis encore couché trop tard. Je me suis rendu sourd encore. Encore une soirée où la jeunesse France encore. Elle va bien s'amuser puisqu'ici rien n'a de sens. Alors on va danser, faire

tiennent à queue. Dans la boîte aux lettres, trop des pots de yaourt dans la vinaigrette. Et les oubliettes au fond de la cour. La terre matricielle est en l'air. À nouveau. Il y a des allumettes au fond de tes yeux. Des pieds noix à queue dans la boîte aux lettres. Des pots de yaourt dans la vinaigrette. Et les oubliettes au fond de la cour. Comme un vol d'hirondelles échappées de la poubelle des cieux. Thank you, my lord. Alors, qu'est-ce qu'il t'a raconté? Il y a des allumettes au fond de ses yeux, des pianos à queue dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt dans la vinaigrette et des oubliettes au fond de la cour. Et ouais, il y a du Jacques Higelin dans Pop and Rock et je vous en... Oh, calme-toi! Ouais, excuse-moi, je déraille. Mais l'histoire de la chanson française, faut pas l'oublier, c'est Brel, Brassens, Aznavour, Montand, mais aussi Starshooter, Noir Désir ou encore Téléphone. Vous êtes bien calé au 104.6, c'est RVR avec son pop and rock, la seule heure musicale pendant laquelle on peut enchaîner Miro, U2, Miossec, Téléphone et très étrangement Cyrano. Dans même n'étant pas du même teint. discriminant, même encore maintenant c'est vêtement. Quand tu demandes, personne n'est pas chaud. Mais dès que tu réclames ton droit, tout le monde te fait chier. Ça rend barjo pour te mettre en cage. Eux n'hésite pas, leur haine est contagieuse. À les entendre, on est chez eux, ils nous invitent. Ils évitent nos références historiques, les parasites. On est présent depuis le temps des couronnes. Je suis Black Mozart Nob comme le chevalier de Saint-Georges. Héritier de Césaire, Saint-Gore, de tous ces mecs du bled et ces cultures que tu ignores. Black Peur, là depuis des siècles. Ça date pas des grands-parents mais plus des ancêtres. Quoi qu'il n'y a jamais eu de basanés, c'est la folie. La francophonie, c'est qu'un vestige des colonies. La France, pas colorée, ça me fait gaulerie. La France, une vache à lait, hey, stop les conneries. On est là en temps de paix comme en temps de guerre. Les impôts, on les paie même quand c'est pas de bon cœur. Reste dans ton bunker qui te sert de pensée. Définir l'intrus par la peau foncée. Je me moque de ta haine et de ton regard foncé. Eh, hey, on va pas s'excuser d'être français. Don't stop, give the fight to see another life, the new sunshine. There, fly, fly, this is mine, mine. I don't stop, give, I don't give up. I wanna share and live in peace. There, fly, fly, this is mine, mine. Pays de collabo, impérial jusque dans les palabres. Un palace pour la mafia, libre de remplacer le ciment à tes pieds par de la colle à bois. Ici quand le berger siffle, le chien à bois. Ami des dictateurs, les droits de l'homme on s'empête. Car lors d'une poignée de main se cache toujours une petite calculette. Viens dans mon pays vendre de la marijuana. Appelle-moi Buana. Viens homme singe, homme qui ne songe. Vas-y, plie mon linge, prends cet os et puis ronge. Défends mon pays, reconstruis ma maison. Déracine ta famille mais ne change pas d'horizon. Nettoie mes poubelles, vis dans le laïque. Entretiens mon patrimoine et mes valeurs archaïques. Aime ta patrie enfin, laisse-la t'aimer. Respecte un hymne national qui te dit de tout cramer. Et si tu touches ma fille, c'est coup de fusil. Alors va faire la guerre chez toi, je te vendrai des usines. Et puis maintenant, faudra plus tuer des moutons, mais apprendre ma recette de couscous au saucisson. Allez danse, fais ta musique de bamboula. Divertis-moi au foot, je te ferai la hola. La voilà, la France des lumières. Et quand quelqu'un a tout éteint, y'a pas de quoi être fier. Fier, fier, fier, fier, fier, fier, fier, fier. Je ne suis pas un fan de Cyrano, c'est clair, mais j'espère vraiment que vous avez bien écouté le texte qu'il vient de nous envoyer. C'était en 2010, mais qu'est-ce qui a changé depuis ? Allez, heureusement il nous reste la musique, alors musique. There's a few songs on this record that feel common. I'm in constant confrontation with what I want and what is popping in the industry. It seems to me that singles on the radio are currency. My creativity's on the free when I'm playing shows. They say, stay in your lane, boy, but we go where we want to. They think this thing is a highway, highway, but will they be alive tomorrow? I'm sorry if that question I asked last scared you a bit like a hazmat in a gas mask. If you ask Zach, he's my brother, he likes when I rap fast. But let's backtrack, back to this. Who would you live in that for on that list? But the problem is, there's another list that exists. And no one really wants to think about this. Forget sanity, forget salary, forget vanity, my morality. If you get in between someone I live with me, you're gonna feel the heat of my cavalry. All these songs I'm hearing are so heartless. Don't trust a perfect person and don't trust a song that's flawless. They say stay in your lane, boy, lane, boy. We go where we want to. They think this thing is a highway. Préférez le rock? Allez, ok, avec un enchaînement Youmiatics et Yaract. Tout de suite, Nice to Me, Youmiatics. Girl, you know I see ya. Staring at your La plupart de nos invités du soir ne présentent pas bien. Tatouages, cheveux longs, cheveux sales, jeans percés, mais comment s'en remettre pour toujours aux bien coiffés et bien costumés pour assurer notre avenir et notre bonheur. Pretending not to rot, and I don't wanna talk about what's fascist and what's not. I can get gaze into hell to admire its flaws. Or I could spend my life on a worthwhile cause. I just wanna help somebody. I don't wanna be me anymore. Is enough. I just wanna help somebody. I don't wanna be me anymore. And I'm sure you can agree with me that things are darker than they need to be. On se bat, on milite, on manifeste, on échange. Mais en fait, rien ne change vraiment. I owe everything that I have to you. Pop and Rock n'aura pas fait avancer le schmilblick, l'inertie et la bêtise sont des alliées trop puissantes, surtout quand l'argent vient au soutien. Mais bon, on aura fait notre part du colibri. Sur ce, bis à tous. Fire for the souls of the wicked. and the gold, the feeling that